Le verbe avoir, c'est tener. Pensez au verbe tenir en français, mais avec un E au lieu du I. Tener. Tener. Ça s'écrit T-E-N-E-R. Tener, c'est avoir, posséder. Alors, comment direz-vous « je veux l'avoir parce que j'en ai besoin » ? Quiero tenerlo. Bien. Quiero, je veux. Quiero tenerlo. Je veux l'avoir parce que j'en ai besoin. ¿Por qué lo necesito? D'accord. ¿Por qué lo necesito? Quiero tenerlo. ¿Por qué lo necesito? Je veux l'avoir parce que j'en ai besoin. Et comment dit-on « j'ai » ? Tengo. Tengo. Et vous avez ? Tiene. Tiene. Et avoir, c'est ? Tener. Tener, d'accord. Alors, tener, on l'emploie aussi pour dire ce qu'on doit faire. Comme le verbe « avoir » en français, quand on dit « j'ai quelque chose à faire ». C'est-à-dire « je dois faire quelque chose ». Il faut que je fasse quelque chose. Alors, encore une fois, « j'ai » se dit « tener ». « J'ai ». Ah, « tengo ». « Tengo », d'accord. Et « je dois », c'est-à-dire « j'ai à », il faut que je se dit « tengo que ». Donc, on ajoute « que » au verbe « tener », ce qui donne « il faut que je dois », « j'ai à ». Tengo que. Tengo que. Alors, comment direz-vous « je dois le faire » ? Je dois le faire. Tengo que hacerlo ? Bien. Tengo que, je dois, hacerlo, le faire. Tengo que hacerlo, je dois le faire. Sortir se dit « salir ». S A-L-I-R, salir. Alors, comment direz-vous « je dois sortir » ? Je dois ? Tengo que. Tengo que, oui. Tengo que, je dois sortir. Tengo que salir. Bien. Tengo que salir. Je dois sortir. Si vous voulez dire « bientôt », c'est « pronto ». C'est l'équivalent de « promptement » en français. Pronto. Pronto. P-R-O-N-T-O. Alors, « je dois sortir bientôt », ça sera Tengo que salir. Tengo que salir pronto. Salir pronto. D'accord. Je dois sortir bientôt. Tengo que salir pronto. Et comment dit-on vous avez ? Tiene. Tiene. Et vous devez, c'est-à-dire vous avez, ah, il faut que vous devez. Tiene que ? Tiene que, c'est bien ça. Et vous devez le faire. Tiene que hacerlo ? Tiene que hacerlo. C'est ça.